crois que je viens de voir une jeune fille poursuivie par un homme dans la forêt. C'est en début de matinée que des ossements ont été découverts dans le jardin du célèbre Harry Kéber. Avec les restes de la gamine, les enquêteurs ont retrouvé le manuscrit des origines du mal. Stern a chez lui un tableau représentant Nola, nu. Je crois qu'il y a un élément central qui relie ces gens et ces événements. C'est la clé de l'enquête. Si nous trouvons le lien, nous tenons le coupable. Je vous ai appris à écrire des livres et regardez. Vos livres me nuisent. Luther revenait d'une soirée chez sa fiancée. Sur le chemin, il a été agressé par une bande de voyous qui sévissait dans la région. Et puis ils l'ont laissé pour mort sur le bord de la route. Pendant 2 ans, il est resté prostré. Et puis il a rencontré Elias Stern, qui l'a engagé comme chauffeur. Et grâce à lui, il s'est remis à peindre. Vous voyez où nous sommes ? Devant la chambre d'un motel ? Non, Marcus. Nous sommes aux origines du mal. Voici plus de 30 ans que je redoute ce moment. La vérité sur l'affaire Harry Kéber, de Joël Dicker. Adaptation Sophie Lemp. Réalisation Pascal Deux. 8e épisode. L'après-midi du lundi 21 juillet 2008, le sergent Galwood arriva dans ma chambre alors que j'étais en train d'écrire. Je sors de chez Elias Stern. Stern, sans moi ? Vous auriez pu me prévenir. Je me rappelle qu'il a porté plainte contre vous, à cause de ce que vous avez écrit. Bref, quand j'ai débarqué à l'improviste chez Stern, j'ai été accueilli par son avocat en sueur sur le point de prendre une douche. Et quelques minutes plus tard, Stern est arrivé à son tour et m'a annoncé que je venais de faire la connaissance de son compagnon. Ce qui ne plaide pas en faveur d'une attirance pour Nola. Enfin, ça dépend. Oui, enfin bref. Stern semblait assez ouvert à la discussion. J'en ai profité pour l'interroger de nouveau sur ce qu'il avait lié à elle. Et il m'a raconté en détail ce fameux soir de juillet 75. Il jouait aux échecs avec Luther sur la terrasse quand Nola est arrivée. Elle était très émue. Elle lui avait dit que Harry n'avait plus les moyens de rester à Goose Cove et l'avait supplié de l'engager. Elle était prête à faire n'importe quoi pour que l'homme qu'elle aimait puisse rester à Aurora. Mmh. Luther avait alors demandé à Stern de lui parler en privé. Il voulait peindre Nola car elle lui rappelait sa fiancée, Eleanor. Après avoir longuement hésité, Stern avait cédé et il avait déclaré à Nola que Harry pourrait rester si elle acceptait de poser nue pour Luther. Elle s'était mise à pleurer, mais elle avait accepté. Et après, comment ça s'est passé ? Luther installait Nola dans un petit salon juste à côté du bureau de Stern, qui restait toujours dans les parages pour vérifier que tout se passait bien. Il m'a assuré que son chauffeur ne l'avait jamais touché. Et la disparition de Luther, vous en avez parlé à Stern ? Oh, du calme, l'écrivain. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Plus le temps passait, plus Stern sentait que quelque chose lui échappait. Il avait découvert que Luther, fou de Nola, passait des journées entières à Aurora, dissimulé derrière des fourrés, à épier la maison de Goose Cove. Le vendredi 29 août 1975, Stern lui a dit qu'il fallait que ça cesse, qu'il devait arrêter de peindre Nola. Leur dispute a été terrible. Luther est parti en claquant la porte et il n'est jamais revenu. Stern a toujours été convaincu qu'il avait quelque chose à voir avec la disparition de Nola. Mais pourquoi il n'a rien dit ? Désigner Luther, ça le rendait lui-même un peu coupable. Ah, attendez. Oui ? Alors, vous l'avez ? Quoi, vous êtes sûr ? Bon, faites-moi une copie et déposez-la dans mon bureau. C'était un stagiaire de la brigade. Je lui avais demandé de me retrouver le rapport d'accident de Luther Caleb. Et ? D'après ce rapport, il a été retrouvé dans une Chevrolet Monte Carlo noire, immatriculée au nom de la compagnie de Stern. Après ces révélations, le sergent Galwood décida de se rendre avec Marcus chez Darren Winslow. C'était l'officier de police de Sagamore en service le jour où la voiture de Luther Caleb avait été retrouvée par des pêcheurs. Darren Winslow se souvenait parfaitement de l'affaire. À l'époque, il avait rapidement fait le lien avec la disparition de Nola. Et persuadé d'avoir mis la main sur le suspect numéro 1, il avait immédiatement prévenu le chef de la police d'Aurora. Le chef Pratt avait fait le déplacement, mais semblait convaincu de l'innocence de Luther. Après une autopsie rendue quasiment impossible par la violence de la chute et l'eau de mer, Darren Winslow avait fini par se laisser convaincre par le chef Pratt. Et il avait conclu dans son rapport à un banal accident de la route. Quand j'ai su que la voiture appartenait à Luther Caleb, j'étais sûr de tenir notre homme. J'ai tout de suite prévenu le chef de la police d'Aurora. Vous avez appelé Pratt ? Pratt, oui, c'est ça, c'est lui qui dirigeait l'enquête. Il a étudié le dossier, mais m'a assuré que je me trompais. Il pensait à un banal accident de la route. Et c'est ce qui m'a convaincu d'écrire dans mon rapport. Et avec tout ce qu'on sait aujourd'hui, je ne suis plus sûr de rien. Bien, merci de votre aide, Darren. De rien, si j'ai pu vous rendre service. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Tout semble indiquer que Luther est coupable. Vous pensez que c'est lui ? Oui, je crois. Mais il y a encore des zones d'ombre. C'est le moins qu'on puisse dire. Je ne comprends pas pourquoi Stern ne nous a pas parlé de la Chevrolet noire. C'est quand même un détail important. Luther disparaît avec un véhicule au nom de sa société et il ne s'en inquiète pas. Et pourquoi Pratt n'a pas enquêté davantage à son sujet ? Vous croyez que le chef Pratt est impliqué dans la disparition de Nola ? En tout cas, j'aimerais bien lui demander pourquoi il a abandonné la piste Caleb malgré le rapport de Winslow. Quelque temps après avoir avoué sa relation avec Nola, le chef Pratt avait été libéré sous caution. Marcus et le sergent se rendirent à Montbury, dans le petit motel où ils logeaient depuis. C'était un bâtiment qui comptait une dizaine de chambres, toutes alignées sur un seul niveau. L'endroit semblait désert, il n'y avait que deux véhicules, dont un garé devant la chambre de Pratt. Pratt ! Pratt ! Allez voir par la fenêtre, l'écrivain. Pratt, c'est Gallowood ! Je vois rien. Bon, ben, y a qu'une solution. Trop vieux pour ces conneries. Mais l'écrivain, venez voir. Qu'est-ce qu'il y a ? Le chef Pratt était étendu sur la moquette. Il baignait dans son sang. Les premiers éléments montrèrent qu'un objet lourd l'avait frappé à l'arrière du crâne. La mort remontait à plus de 12 heures. L'enquête s'annonçait complexe. La police ne disposait d'aucun élément solide et n'avait pas la moindre piste. Le mercredi 30 juillet 2008, une semaine après cet assassinat, eut lieu l'enterrement de la dépouille de Nola. Marcus n'y assista pas, préférant se rendre au Seaside Motel pour tenir compagnie à Harry. Il le trouva assis sur le parking, torse nu, sous la pluie tiède. Harry, venez vous mettre à l'abri. Il l'enterre, hein ? Oui. Il l'enterre et je n'y suis pas. C'est mieux comme ça, à cause de toute cette histoire. Allez, venez. Je me fous du candidat. Ils enterrent là. Je ne suis pas là pour lui dire adieu. Il y a 33 ans que j'attends de la retrouver. Vous savez où j'aimerais être ? À l'enterrement ? Non. Au paradis des écrivains. J'aimerais être mort. Je sais. Comment le savez-vous ? Les amis sentent ce genre de choses. L'autre jour, vous avez dit que nous ne pourrions plus être amis. C'est vrai. Nous sommes en train de nous dire adieu peu à peu, Marcus. Comme si vous saviez que j'allais mourir bientôt et que vous aviez quelques semaines pour vous y faire. C'est le cancer de l'amitié. Allongés sur le béton, Harry et Marcus fermèrent les yeux et restèrent longtemps étendus ainsi. Après avoir quitté Harry, Marcus se rendit au Clark's dans l'espoir de croiser quelqu'un qui avait assisté à l'enterrement. Le restaurant était désert. Seul Robert Quinn, le père de Jenny, était assis au fond de la salle remplissant des grilles de mots croisés. Marcus s'approcha de lui. Vous étiez à l'enterrement de Nola ? Oui. C'était comment ? Sordide. Comme toute cette histoire. Il y avait plus de journalistes que de proches. Et votre livre ? Ça avance. Mais je l'ai relu hier et je me rends compte que j'ai encore quelques zones d'ombre à éclaircir. Notamment à propos de votre femme. Elle m'assure qu'elle avait en sa possession un morceau de papier sur lequel Harry déclarait son amour à Nola. Mais ce feuillet compromettant aurait mystérieusement disparu. Vous ne sauriez pas où il est par hasard. Brûlé. Hein ? Ce feuillet de malheur a brûlé. Mais comment savez-vous ça ? C'est moi qui l'ai brûlé. Mais pourquoi ? Et surtout pourquoi vous ne l'avez jamais dit ? Parce qu'on ne me l'a jamais demandé. Ça fait 33 ans que ma femme me parle de ce feuillet. Elle s'égosille, elle hurle. Mais elle ne m'a jamais dit « Robert, mon chéri, aurais-tu vu ce feuillet par hasard ?» Elle ne m'a jamais rien demandé. Donc je ne lui ai jamais répondu. Mais pourquoi vous l'avez détruit ? Tout a commencé un dimanche après-midi. Ma femme avait organisé une garden party ridicule en l'honneur de Kébert. Mais il n'est jamais venu. Folle de rage, elle a décidé d'aller le trouver chez lui. Je me souviens parfaitement de cette journée. C'était le dimanche 13 juillet 1975, le jour où la petite Nola a essayé de se suicider. Tamara est rentrée comme une furie. Elle m'a montré le morceau de papier qu'elle venait de trouver chez Kébert. Au début, elle ne voulait pas avertir la police. Puis, pendant le bal de l'été, elle a suivi Harry aux toilettes et lui a laissé un message dont il se souvient sûrement encore. L'inscription sur le miroir. C'était votre femme ? Oui. Harry Kébert était devenu son obsession. Elle a fini par en parler au chef Pratt. 15 jours après le bal environ, elle lui a tout raconté. Comment le savez-vous ? Je le sais parce que... c'est Nola qui me l'a dit. Elle est venue me trouver un jour et m'a raconté qu'elle avait surpris une conversation entre Tamara et le chef Pratt. Et elle m'a demandé de récupérer ce morceau de papier. J'avais tout imaginé sauf ça. Elle était prête à tout pour protéger Harry. C'est là que j'ai compris qu'ils vivaient une véritable histoire tous les deux. Nous avons eu une conversation à propos de l'amour. Et j'ai réalisé, grâce à cette fille de 15 ans, que je n'avais probablement jamais connu l'amour. Et donc, qu'avez-vous fait ? Pour Nola, au début j'ai refusé. Je lui ai dit que je ne voulais pas me mêler de cette histoire et que de toute façon, je ne pouvais rien faire. Que la lettre était dans le coffre et que la seule clé qui l'ouvrait pendait jour et nuit autour du cou de ma femme. Elle m'a supplié. Elle m'a flatté. Elle m'a dit que je saurais comment faire. Alors, j'ai fini par accepter. Je lui ai dit que j'essayerais. Pourquoi ? Elle avait 15 ans. Elle me parlait de choses que je ne connaissais pas. Et que je ne connaîtrai probablement jamais. Même si, à vrai dire, cette histoire avec Harry me donnait plutôt la nausée. Je l'ai fait pour elle, pas pour lui. Je lui ai demandé ce qu'elle comptait faire pour le chef Pratt, qui, preuve ou pas preuve, était au courant de tout désormais. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Et elle m'a dit qu'elle allait l'empêcher de nuire, faire de lui un criminel. Et après, vous avez réussi à récupérer la clé ? Oui. J'avais acheté des somnifères. Et pendant que Tamara dormait, j'ai décroché son collier et j'ai pris la clé. Dans le coffre, j'ai trouvé un épais cahier en cuir. Elle tenait son journal. Et je n'en avais jamais rien su. J'ai découvert qu'elle m'aimait. Elle m'aimait, vraiment. Mais elle ne me l'avait jamais dit. Et le feuillet, vous l'avez trouvé facilement ? Oui. J'ai hésité, et puis finalement je l'ai emporté. Dans une ruelle tranquille, j'y ai mis le feu avec mon briquet. Ma femme a mis 2 jours à réaliser qu'il s'était volatilisé. Mais quand Nola a disparu, pourquoi vous n'avez rien dit à la police ? Ça aurait pu être une piste, non ? Je voulais le faire, mais j'étais très partagé. Quand Nola a disparu, je m'en suis voulu. J'ai regretté d'avoir brûlé ce morceau de papier. Je me suis dit que grâce à lui, la police aurait pu interroger Harry, enquêter plus loin. Et s'il n'avait rien eu à se reprocher, il n'aurait rien eu à craindre. Enfin bref, je m'en voulais. Alors j'ai commencé à lui écrire des lettres que j'accrochais à sa porte lorsque je le savais absent. Alors les lettres anonymes, c'était vous ? Mais pourquoi ? Pour soulager ma conscience. Ma femme répétait sans cesse qu'il était coupable. Je pensais que si je le harcelais, il finirait par se dénoncer. Ça a duré quelques mois et puis j'ai arrêté. Qu'est-ce qui vous a poussé à arrêter ? Sa tristesse. Après la disparition de Nola, il était tellement triste. Ce n'était plus le même homme. Je me suis dit que ça ne pouvait pas être lui. Durant les mois qui avaient suivi la disparition de Nola, la ville d'Aurora avait lentement sombré dans la dépression et la hantise d'un nouvel enlèvement. Les enfants n'avaient plus le droit de se déplacer seuls. Les maisons étaient fermées à clé, la confiance était brisée. Harry Quebert passa l'automne 1975 enfermé dans son bureau, accaparé par la pile de pages manuscrites qu'il relisait et retapait minutieusement. Il avait peur de sortir. Les rares fois où il quittait Goose Cove, il trouvait à son retour une lettre anonyme. Cela l'angoissait terriblement. Un jour, il décida d'aller voir l'un des meilleurs psychiatres de la région, le docteur Ashcroft. Et pour la première fois, il put, sans la nommer, raconter Nola à quelqu'un. Toutes les nuits, presque toutes les nuits, plusieurs fois par nuit, des visions. Des visions ? Oui, je crois que je vois des morts. Vous pensez donc que votre amie est morte ? Je n'en sais rien. Et ça me rend fou, j'ai l'impression de devenir fou. Je ne crois pas que vous soyez fou, monsieur Quebert. Parfois, je vais sur la plage et je crie son nom. Et lorsque je n'ai plus la force de crier, je m'assois sur le sable. Et je pleure. Vous êtes dans un processus de deuil. Il y a votre part rationnelle, lucide, consciente, qui se bat avec une autre part de vous qui, elle, refuse d'accepter ce qui, à ses yeux, est inacceptable. Lorsque la réalité est trop insupportable, on essaie de la détourner. Je pourrais peut-être vous prescrire des relaxants pour vous aider à me détendre. Ah non, surtout pas. Je dois rester concentré sur mon livre. Parlez-moi de ce livre. C'est une histoire d'amour qui ne pourra jamais avoir lieu. Celle de vous et de votre ami. Oui. Docteur, je hais les livres. Pourquoi ? Parce qu'ils me font du mal. Le manuscrit fut achevé à la mi-novembre 1975. Harry le proposa à 5 grandes maisons d'édition new-yorkaises. Moins d'un mois plus tard, elles le contactèrent toutes, certaines de tenir un chef-d'œuvre, surenchérissant pour l'achat des droits. Quelques jours avant Noël, Harry signa finalement avec l'une d'elles un contrat de $100,000. Dès sa sortie en juin 1976, le livre intitulé « Les origines du mal » rencontra un immense succès. Harry Quebert, 35 ans, encensé par la critique, était désormais considéré comme le plus grand écrivain de sa génération. Le 3 août 2008, les résultats de l'analyse graphologique portant sur l'inscription du manuscrit retrouvé avec Nola désignèrent Luther Caleb. Un juge convoqua Harry et lui annonça que toutes les charges contre lui étaient définitivement abandonnées. Quelques jours plus tard, Marcus rencontra Benjamin Ross dans un magasin de Concorde. C'est fou, je suis allé voir Harry à son motel hier. On dirait que l'abandon des charges ne le réjouit pas plus que ça. Il est triste. On a gagné et il est triste. Parce que Nola est morte. Mais ça fait 30 ans qu'elle est morte. Oui, mais là, elle est vraiment morte. Je comprends pas ce que vous voulez dire, Goldman. Ça m'étonne pas. Enfin bref, je suis passé le voir pour lui parler de la maison. L'assurance va tout prendre en charge, mais il faut qu'il décide ce qu'il veut faire. Il a voulu que j'emmène là-bas. Il y a encore des tas de saloperies dans cette baraque, vous savez. Il a tout laissé. Des meubles, des objets encore intacts. Il dit qu'il n'a plus besoin de rien. Je lui ai rappelé qu'on pouvait poursuivre l'État pour le tort moral causé par cette affaire et qu'on pouvait prétendre à un joli pactole. Il n'a pas réagi. Je lui ai proposé de stocker ce qui lui restait dans un garde-meuble, mais il m'a répondu qu'au moins, si on venait le voler, les meubles seraient utiles à quelqu'un. Vous y comprenez quelque chose, vous ? La maison lui sert plus à rien. Pourquoi ça ? Parce qu'il n'a plus personne à y attendre. Mais attendre qui ? Nola. Nola est morte ! Justement. Au fond, j'avais raison depuis le début. Cette petite Kellergan, c'était une salope. Elle s'est fait passer dessus par toute la ville, et Harry a simplement été le dindon de la farce. Le doux romantique un peu ballot qui s'est compromis en lui écrivant des mots d'amour. Voir un bouquin tout entier. Nola a changé la vie de Harry. Elle s'est sacrifiée pour lui. Je vous interdis de répéter à tout le monde que c'était une salope. Vous êtes dingue. Vous êtes aussi dingue que Kéber. Je pourrais porter plainte contre vous, vous savez. Faites ce que vous voulez, Ross. C'est vous qui avez dit que c'était une salope. Vous, c'est dans vos feuillets. Tout ça, c'est votre faute. Marcus voulait justement réparer la catastrophe causée par la diffusion des feuillets. Il restait un mois et demi avant la sortie officielle de son livre. Mais alors que l'écriture avançait à toute allure, l'enquête du sergent Gallowood sur l'assassinat du chef Pratt piétinait. L'histoire de Pratt est un vrai casse-tête. J'ai une intuition, mais j'arrive pas au bout. Vous pensez toujours à Stern ? Oui. Un café, mes jolis ? Ouais, merci. Merci. Il y a des trucs pas clairs. Quel était ce lien entre lui et Caleb ? Et pourquoi il n'a pas mentionné la disparition de sa voiture ? Vous lui avez posé la question ? Ouais. Il dit qu'il autorisait parfois Luther à utiliser cette Chevrolet Monte Carlo noire parce que sa Mustang bleue tournait mal. Mais personne ne sait ce qu'est devenue la Mustang, justement. Mais pourquoi un homme comme Stern se laissait-il dominer par son chauffeur ? Il s'est laissé à ses caprices, lui mettait une voiture à disposition. Ouais. Non, il y a quelque chose qui m'échappe. À moi aussi, l'écrivain. À moi aussi. Bon. En attendant, mon livre devrait être fini d'ici 2 semaines. Déjà ? Vous avez écrit vite ? Ah, pas si vite que ça. Vous entendrez peut-être dire que mon livre a été écrit en 2 mois. Et en fait, il m'aura fallu 2 ans. C'était La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker. Avec Florent Shep, Frédéric Pierrot, Éric Herson-Macarel, Thierry Bosque, Olivier Clavery, Christian Drio, Jean Ocotrel, Joanna Nizard. Bruitage, Patrick Martinache, avec la participation de Bertrand Amiel. Musique originale, Damien Salançon. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Prise de son, montage, mixage, Julien Douminc, Nicolas Depagraf. Assistante à la réalisation, Lise-Marie Barré. Réalisation, Pascal Deux. La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker, adaptée par Sophie Lem, a été publiée aux éditions de Fallois.